fasciste, ni antifasciste. La terre de musique est apolitique. Ni fasciste, ni antifasciste. La terre de musique est apolitique. Pas de haine et pas de facho. Pas de politique dans la terre.